J'avais la vie de château, une armée de valets, un chauffeur, trois autos, des joyaux, des complets, des chevaux, des tableaux, à ne savoir qu'en faire, mais à crier banco et jouer un jeu d'enfer. J'ai tout laissé sur les tapis verts. Un par un, j'ai vu tout s'envoler. Un par un, mes Renoirs, mes Derains, mes meubles et mes tapis. Un par un, on m'a tout emporté. Un par un, ne me laissant plus rien que mes yeux pour pleurer et un lit. J'avais de nombreux amis pleins d'entrain et d'humour qui buvaient mon whisky et qui formaient ma cour et me tapaient parfois, pour ne pas dire souvent, vers le 30 du mois, quand momentanément ils se trouvaient un peu court d'argent. Un par un, ils se sont paniqués. Un par un, en prétextant soudain quelques raisons futiles. Un par un, ils se sont dispersés. Un par un, sans me serrer la main, tels les rats d'un navire en péril. Une danseuse classique, une actrice connue, deux ou trois hystériques et quelques ingénus me trouvaient merveilleux et plongeaient dans mes draps en jurant leur grand Dieu qu'elle n'aimait que moi. Et puis les diamants de 20 carats. Un par un, j'ai perdu mes pouvoirs. Un par un, sur leur cœur, sur leur sein, rehaussé de bijoux. Un par un, j'ai fumé mes déboires. Un par un, et j'ai compris enfin, mais hélas, un peu tard, pauvre fou.